Section 15, chapitre 28 et chapitre 29. Chapitre 28. Abel, Caïn et Seth. Le déjeuner se passa bien. Un silence complet régna au commencement. Quelques paroles furent prononcées après le troisième plat. Au cinquième, la conversation devint générale et bruyante. On servit le champagne après le huitième plat et chacun proposa un toast. Monsieur Abel, le premier, porta un toast au marié. Simon répondit en portant un toast qui fut acclamé à l'unanimité. À Monsieur Abel N., mon très aimé et très honoré bienfaiteur. À notre excellent ami Kersak, dit Jean. À la mère absente, riposta Kersak. Chacun continua ainsi. Les fortes têtes bien résistantes au vin vidaient leurs verres à chaque nouveau toast. Mais les gens sages, comme Monsieur Abel, Simon et Jean, se contentaient d'y mouiller leurs lèvres. Kersak, se réservant pour le soir, prit un terme moyen. Il ne prit qu'une gorgée à chaque toast. Mais les gorgées devenaient de plus en plus fortes. Les dernières ne laissèrent que peu de gouttes dans le verre. Le déjeuner était excellent. La gaieté était grande. On resta longtemps à table. À 2 heures, on s'aperçut qu'il était tard. Chacun partit pour faire ses affaires ou sa toilette, qui devait être simple afin de ne pas être gênante à la campagne. On se donna rendez-vous à la gare à 4 heures. Monsieur Abel, Jean et Kersak montèrent un instant chez Simon. Ils trouvèrent Madame Amédée et Madame Simon rangeant et arrangeant l'appartement et mettant en place linge, robe, bonnet, etc. Simon ôta son bel habit de noces, passa une blouse et se mit en devoir de les aider. Adieu, Jean et Kersak, à revoir, à 4 heures, à la gare, dit Monsieur Abel en descendant. Jean, à revoir, monsieur, nous serons exacts. Ils sortirent ensemble et marchèrent ensemble. Où allez-vous donc? Dit Monsieur Abel, surpris de se voir accompagné par ses deux amis. Jean, à la maison, monsieur, pour voir le pauvre petit Monsieur Roger et donner un coup de main à Monsieur Barcus. J'y vais. J'y vais aussi, moi. C'est drôle que nous ayons eu la même pensée. Seulement, je vais entrer chez moi, à l'hôtel Meurice, pour changer d'habit et ne pas avoir l'air d'un prince se promenant incognito. Kersak et Jean continuèrent sans Monsieur Abel et ne tardèrent pas à arriver. Le petit Roger se trouvait un peu mieux. Il fut très content de voir Jean et lui demanda quelques détails sur la noce. Il sourit au récit de la promenade de Kersak avec la voiture de Monsieur Abel. Il demanda quelques détails sur les toilettes, sur le déjeuner, et sur ce qu'on ferait plus tard. « Est-ce que ton ami, M. Kersak, est rentré avec toi ?»« Jean. Oui, M. Roger. Il avait envie d'avoir de vos nouvelles. »« Roger, il est bien bon. Dis-lui que je le remercie bien et que je le prie de venir me voir avant son départ. Je ne voudrais pas qu'il quitte à Paris sans me voir. » »« Jean. Certainement qu'il ne s'en ira pas sans vous faire ses adieux, M. Roger. Il vous admire trop pour cela. » »« Roger. Pourquoi m'admire-t-il ? Il ne faut pas qu'il m'admire. Dis-lui cela, Jean, n'oublie pas. Je veux bien qu'il m'aime, voilà tout. » Jean, je le lui dirai, Monsieur Roger, mais je ne pense pas qu'il vous obéisse en ça. Roger, pourquoi donc? Pourquoi? Jean, parce que ça ne dépend pas de lui, Monsieur Roger. De même qu'on n'aime pas au commandement, on ne peut pas s'empêcher d'admirer ce qui est admirable. Roger, oh, mon Dieu, toi aussi, Jean, c'est mal, ça. « Maman, je suis fatiguée. Expliquez-lui que je ne fais rien d'extraordinaire ni d'admirable, que je ne suis pas bon, comme ils croient tous, que c'est le bon Dieu qui m'aide à souffrir, que sans lui, je ne pourrais pas. Je suis fatiguée. Parlez pour moi, maman. » « Madame de Grignan, ne te tourmente pas, cher petit. Je te promets d'expliquer à Jean ce que tu me demandes. » « Roger. Et à Monsieur Kersak aussi, Madame de Grignan. Oui, oui, à Monsieur Kersak aussi. » « Merci, maman. » Et Roger, fatigué, ferma les yeux. Il ne tarda pas à les rouvrir. Il souffrait, il luttait mieux contre la souffrance quand il regardait le crucifix et la Sainte Vierge qui étaient en face de son lit. Jean, habitué aux soins à lui donner dans ses moments de crise douloureuse, lui frotta doucement tantôt le dos, tantôt les jambes. Madame de Grignan lui mouillait le front avec une eau calmante et lui faisait respirer de l'eau camphrée. La crise se calma, mais il ne put s'étendre dans son lit. Il resta la tête sur ses genoux et les jambes pliées sous lui. Jean resta jusqu'au moment du départ. Il baisa les petites mains de son pauvre petit maître et le quitta sans que Roger ait eu la force de relever la tête ni de dire une parole. Jean trouva Kersac endormi. Il le réveilla et tous deux se mirent en route pour la gare Montparnasse. Il n'y avait d'arrivée encore que les mariés et leurs parents, et avant eux était venu un valet de chambre de M. Abel chargé des billets, des compartiments réservés et de tout ce qui pouvait être demandé par les invités de la noce. Le valet de chambre remit à Kersac et à Jean les billets de leur place. En peu d'instants, toute la noce fut au complet. Les employés les firent entrer dans les wagons. Lorsque M. Abel arriva, tout le monde était placé. Il ne restait plus de compartiment réservé. Kersac et Jean avaient attendu M. Abel sur le quai et se trouvaient, comme lui, séparés de la noce. M. Abel, ne vous en inquiétez pas. J'aperçois deux de mes amis et nous trois, ça fait cinq. Nous prendrons un compartiment, il n'y viendra personne. M. Abel alla chercher ses amis, Cain et Seth. C'était leur nom de guerre pour les excursions et les farces. Nous ne dirons pas leur vrai nom, pas plus que nous ne disons celui de M. Abel. Tous trois vivent encore et vivront longtemps. Il pourrait leur être désagréable de voir leur nom livrés au public. M. Abel, par ici, mes amis. Voici mon ami Kersac. Voici mon petit ami Jean. M. Kersac, je vous présente mes amis, Cain et Seth. Nous ferons route ensemble. Je suis autorisé par M. Amédée à les inviter pour être des nôtres et faire partie de la noce. Tout l'Ancien Testament réuni, dit Kersac en riant de son bon rire franc. Monsieur Cain, vous n'allez pas nous traiter en frères, n'est-ce pas? Cain, si fait, mais en Cain régénéré, en Cain du Nouveau Testament. Ils étaient montés dans un compartiment vide et on allait fermer les portières. Lorsqu'une grosse petite dame rouge, pincée, mijaurée, élégante, portant une cage de 3 mètres d'envergure et de 9 mètres de tour, s'élança dans le wagon, cherchant une place. Il en restait 3, mais pas d'ensemble. « Diable de femme !» murmura Seth. « Elle va nous empêcher de fumer. »« Il faut la faire partir, » dit Cain. « Monsieur Abel, comment ? De quelle manière ?»« Cain, tu vas voir. Secondez-moi tous les deux. » Il ajouta quelques paroles plus bas encore. Le sifflet se fit entendre. Les wagons s'ébranlèrent. La grosse petite dame s'était à peine casée en face de Cain que celui-ci fit un bond extraordinaire. La dame poussa un léger cri. Un deuxième bond, plus prononcé, lui fit prendre une expression d'effroi qui devint de la terreur quand elle vit Abel d'un côté et Seth de l'autre chercher à retenir et à calmer Cain. Abel, là, là, mon ami, là, calme-toi. Voyons, sois sage. Cette dame ne te fait pas de mal. Là, là. La petite dame. Mon Dieu, qu'y a-t-il donc, messieurs ? Abel, ne vous effrayez pas, madame, ce n'est rien. Notre malheureux ami. Là, là, Cain, là. Sois bon garçon. Il est fou, madame. Il devient fou furieux quand il voit un visage qui lui déplaît. Voyons, Seth, tiens-le, il va nous échapper. La petite dame. Mon Dieu, il va me faire du mal ? Abel, j'espère que non, madame. Soyez tranquille, nous le tenons. Mais dans ses accès, il a une force herculéenne. 4 hommes vigoureux en viennent difficilement à bout. La petite dame. Et que fait-il alors ? Abel. Il est terrible quand il parvient à s'échapper. Il met tout en pièces. Voyons, voyons. Seth, tiens-le donc. Il m'échappe. Seth. Je ne peux pas. Il est plus fort que moi. La petite dame. Mon Dieu, au secours ! Kersac, qui n'était pas dans la confidence, s'élança sur Cain. Il le maintint si vigoureusement que celui-ci éclata de rire. Kersac, debout devant la petite dame, piétinait sa robe, sa cage, écrasait son chapeau avec ses reins qui avaient à peine la place de se mouvoir. Plus Kersac serrait Cain, plus celui-ci riait et cherchait à se dégager de cet étau. La cage de la grosse petite dame était en pièces, sa robe était en loques, son chapeau ne tenait plus sur sa tête. Ses faux cheveux, nattes, crépons, chignons, tombaient sur son visage, sur ses épaules, sur son cou. M. Abel, la trouvant suffisamment dégoûtée de leur wagon, s'écria « Lâchez, Kersac, lâchez, l'accès est fini. Quand il rit, il n'y a plus de danger. » Kersac lâcha, et repoussé par Cain, il retomba sur la petite dame qui l'écrasait de son poids sans pouvoir se relever. 2 fois il essaya, 2 fois il retomba. « Au secours, j'étouffe !» s'écria la dame. M. Abel eut pitié d'elle. Il enleva Kersak de sa poigne vigoureuse, aida la petite dame à s'arranger tant bien que mal. Elle avait eu à peine le temps de remettre en place nattes, chignons et crépons, et de rattacher sa robe avec quelques épingles, que le convoi arrêta. La dame ouvrit la portière et se précipita hors du wagon. Le désordre de sa toilette attira tous les regards, elle disparut, mais peu d'instants après, un employé ouvrit la portière. « Messieurs, dit-il, qu'avez-vous fait à cette dame qui vient de quitter le wagon? Elle se plaint d'un fou qui a manqué la mettre en pièces. Avez-vous réellement un fou parmi vous ?»« Qu'un, mais pas du tout, c'est elle qui est folle, qui se jette sur les gens, qui crie, qui croit qu'on va la massacrer. » L'employé. « Cela me paraît louche tout de même. Sa robe est terriblement fripée, son chapeau est bien déformé, sa cage est toute démantibulée. » Quin, riant. « Pas de mal, employé, pas de mal. Elle ne se plaint pas de nous, allez. Voulez-vous un cigare, et un fameux ?» Il présenta une couple de cigares à l'employé, qui hésita, hocha la tête, finit par accepter et referma le wagon en disant « Quelle farce, et une société de farceurs. Cela se voit de reste. » Le train repartit. Abel, Cain et Seth rirent aux éclats. Cain et Seth allumèrent leurs cigares, et M. Abel rassura Kersak et Jean en leur expliquant la scène qui avait été inventée et jouée par Cain et Abel. Chapitre 29. Le marteau magique. Le voyage ne fut pas long. Ils descendirent à Saint-Cloud. C'était la fête de la ville. On se promena partout, on joua à toutes sortes de jeux, on regarda des tours de force, des veaux à 5 pieds, des moutons à 2 têtes, des géants de 4 ans qui semblaient être des hommes de 30, avec barbe et moustache. Enfin un âne qui avait la tête où les autres ont la queue. Cette dernière merveille se voyait dans une tente où étaient d'autres bêtes curieuses. L'âne était seul dans une stalle, séparé par une toile des autres animaux. Il n'avait été annoncé qu'à la suite d'un entretien mystérieux entre M. Abel et le propriétaire des animaux. « Entrez, messieurs, mesdames, entrez. On y entre qu'un à un. Messieurs, mesdames, entrez. » Kersak entra le premier en payant 2 sous. Il ne tarda pas à en sortir, riant aux éclats. Plusieurs voix. « Quoi donc? Qu'y a-t-il? Est-ce vrai que l'âne a la tête ou les autres ont la queue ?» Kersak. « Très vrai. Et ça vaut bien 2 sous pour le voir et jurer le secret au brave propriétaire de l'animal. Quelle farce! Quelle bonne farce !» La gaieté de Kersak excita la curiosité de toute la noce et de toutes les personnes présentes. Chacun voulut y entrer et tous en sortaient riant comme Kersak et discret comme lui. À la fin, cet attroupement considérable de gens, dont aucun ne voulait s'en aller et qui tous riaient et applaudissaient, attira les gendarmes. Ils ne purent rien tirer de personne, et pour savoir ce qui en était, ils durent entrer à leur tour. Ils entrèrent, sans payer, en qualité de gendarmes. Ils virent un âne dans une écurie, tourné de la tête à la queue, c'est-à-dire la queue attachée au râtelier, et la tête tournée vers les spectateurs. Les gendarmes ne savaient s'ils devaient rire ou sévir. M. Abel s'interposa et dit que c'était lui qui avait inventé ce divertissement. Il plaida si bien la cause du chef de l'établissement que celui-ci fut autorisé à continuer la mystification. Elle lui rapporta plus d'argent que le reste de la ménagerie. En continuant leur promenade le long des tentes et des boutiques, ils virent une baraque avec une estrade sur laquelle paradait un homme à figure blême, à mine éreintée, une femme à visage flétri exprimant la souffrance et un petit garçon d'une maigreur excessive et dont les jouaves annonçaient la misère. L'aspect de cette famille frappa péniblement M. Abel. Après les avoir observés pendant quelque temps, il alla derrière la toile et causa quelques instants avec l'homme. Il revint, eut une conférence avec ses amis, Cain et Seth. Tous 3 passèrent ensuite derrière la baraque. La famille éreintée disparut pour faire place, une demi-heure après, à 3 sauvages, à longue barbe et au teint cuivré. L'un d'eux fit un roulement de tambour formidable. Un second cria d'une voix qui couvrait le bruit du tambour. « Venez, messieurs, mesdames, venez voir l'effet merveilleux du marteau magique, qui change les sous en pièces d'argent et les pièces d'argent en pièces d'or. » La foule ne tarda pas à se rassembler près de cette baraque. On fait une seule expérience gratuite, messieurs, mesdames. Après quoi, on devra donner à la personne qui fera la quête. La représentation va commencer. Qu'est-ce qui me donne un sou ? Un sou, messieurs. Un sou pour en avoir 20. » Une main s'allongea et donna un sou. Le sauvage prit le sou, le tint en l'air, afin que chacun pût le voir, le posa sur un billot et s'éloigna. Le second sauvage, qui tenait un pesant marteau à la main, frappa le billot. Le premier sauvage prit le sou, le fit voir à la foule. Le sou s'était métamorphosé en une pièce de 20 sous. La foule applaudit. Le propriétaire du sou reçut sa pièce d'un franc. Une foule d'autres mains présentèrent d'autres sous. Le même sauvage les recevait et les rendait. Souvent l'opération manquait. Les propriétaires attrapés murmuraient. Un sauvage. Le marteau magique ne fait rien pour les avares, les joueurs, les buveurs, les méchants. Il lit dans les cœurs et donne à chacun selon ses mérites. Les sous des enfants se trouvaient toujours métamorphosés en pièces de 20 sous. Une ou deux fois même, le marteau magique changea le sou en une pièce de 2 francs. Le sauvage. Allons, messieurs, donnez au marteau magique des pièces de 20 sous pour en faire des pièces de 20 francs après le premier tour de quête. Messieurs, ceux qui ne donneront pas à la quête n'auront pas droit à la métamorphose. Ceux qui donneront beaucoup en seront récompensés. La femme du magicien fit le tour de l'assemblée. Chacun donna. Plusieurs donnèrent des petites pièces blanches. Depuis quelques instants, Jeannot s'était mêlé à la foule et attirait les regards du principal sauvage. À la deuxième reprise, il s'avança et donna une pièce de 20 sous pour en avoir une de 20 francs. Le sauvage. « Donnez, monsieur, vous allez être satisfait. Attention, marteau, fais ton office, rends de l'or pour de l'argent. » Le marteau frappa, Jeannot allongea une main avide et reçut 1 sou. « Ce n'est pas de l'or, cria-t-il, j'ai donné 20 sous. » Le sauvage. « Recommencez, monsieur. » Le marteau s'est trompé. « Dame, il se trompe quelquefois. Allons, marteau, recommence. Récompense ou punis. » Jeannot donna une seconde pièce de 20 sous. Le marteau frappa, Jeannot reçut 1 sou. « Vous me volez !» s'écria Jeannot en colère. Le sauvage. « Tout le monde peut voir, monsieur, que je n'ai rien dans les mains, rien dans les poches. Une troisième épreuve, monsieur. Essayez, vous n'aurez pas perdu pour attendre. » Jeannot tendit en grommelant une troisième pièce de 20 sous. Le marteau frappa, le sauvage fit voir une pièce enveloppée d'un papier. Le sauvage. « Voilà, monsieur, ce doit être du bon. La pièce est cachée. Il y a quelque chose d'écrit sur le papier. » Le sauvage lut « À Jeannot ». Il ouvrit le papier et lut tout haut. « Voleur, 1 sou, dit-il. « Toujours de même. C'est un marteau magique, messieurs, mesdames. Il récompense et punit. » Jeannot restait ébahi et furieux. La foule répétait « Voleur, voleur !» La peur le saisit. Il se retira prudemment et disparut. Après le marteau magique, les 3 sauvages chantèrent des tyroliennes et des chansonnettes gaies et amusantes. La foule applaudissait. La sébile se remplissait. Après les chansons vinrent les escamotages, des tours d'adresse. Enfin, un roulement de tambour annonça que la représentation était finie. Les sauvages, vivement applaudis, quittèrent l'estrade, se déshabillèrent, se débarbouillèrent dans la baraque et redevinrent Caïn, Abel et Seth. Ils remirent au pauvre charlatan le produit des collectes qui se monta à plus de 50 francs. Ces pauvres gens témoignèrent une grande reconnaissance aux 3 amis qu'ils remercièrent les larmes aux yeux. Monsieur Abel et ses amis cherchèrent à rejoindre leur société qu'ils avaient perdue. Ils ne tardèrent pas à la retrouver. Jean avait été inquiet un instant de la longue disparition de monsieur Abel. Mais Kersak lui dit que sans doute, il était allé au salon de Sans-Couvert pour hâter le dîner. Personne ne l'avait reconnu dans la parade des sauvages. Monsieur Abel invita la société à venir prendre le repas du soir. La proposition fut accueillie avec joie. Le déjeuner était loin et on se proposait de faire honneur au dîner. Les convives se placèrent, le dîner commença dans le même religieux silence que le déjeuner. De même que le matin, on se mit en train, après les premiers plats, et on devint gai et bruyant en approchant du rôti. Le dîner était exquis, les vins étaient de premier cru. On chanta. Quand vint le tour de M. Abel, il entonna avec un et sept une des chansonnettes en trio qu'ils avaient chantées sur les tréteaux du saltimbanque. Alors seulement ils furent reconnus, interrogés, applaudis. On rit beaucoup de l'invention du marteau magique et de la trappe faite à Jeannot. Après le repas, qui dura de 7 heures à 9, les violons se firent entendre. Les danses commencèrent. Quand on fut bien en train, « À nous deux, petits gens, comme au café Métis !» s'écria M. Abel. « La leçon de danse !» Et tous deux, en riant, se mirent en position comme au café Métis et commencèrent la danse qui avait tant amusé les badauds de la rue et qui fit son même effet au salon de Sans-Couvert de Saint-Cloud. Tout le monde riait, applaudissait. La soirée se prolongea ainsi gaiement jusqu'à 1 heure du matin. On trouva à la gare des voitures retenues par M. Abel pour tous les convives, et chacun rentra chez soi. Avant de se séparer, M. Abel dit à Jean et à Kersac qu'ils iraient déjeuner le lendemain chez Mme de Grignan, et qu'il les mènerait à l'exposition de tableaux qui devait ouvrir sous peu de jours, et qui ne l'était encore que pour les artistes. Fin de la section 15.